Les établissements intéressés russes, chinois et japonais ont officiellement reconnu que le dernier essai d'explosion de l'ogive nucléaire coréen n'a donné aucune influence néfaste à l'environnement écologique de leur pays. Le département d'enquête météorologique et écologique de la Fédération de Russie a précisé que l'essai coréen n'a pas influencé l'environnement radioactif de son pays. Le porte-parole du département météorologique du territoire maritime de Russie a déclaré que ses postes d'observation n'ont repéré aucun phénomène d'augmentation de la radioactivité et que la valeur de l'environnement radioactif de son territoire est normale. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a affirmé que son pays n'a reçu aucune influence radioactive par l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire coréen, et le ministère de la Protection de l'Environnement aussi a précisé que le résultat d'observation des 25 observatoires automatiques de la région frontalière des trois provinces du Nord-Est n'a repéré aucune anomalie. Le ministère japonais de l'Environnement a informé également que son pays n'a enregistré aucun changement au niveau radioactif.